11. Eh bien, des livres de cette espèce ont été écrits à toutes les époques par leurs plus grands hommes, par de grands lettrés, de grands hommes d'État et de grands penseurs. Tous sont à votre disposition et la vie est courte. Vous avez déjà entendu dire cela auparavant. Cependant, avez-vous pris les mesures et tracé la carte de cette courte vie et de ses possibilités? Savez-vous, si vous lisez ceci, que vous ne pouvez pas lire cela, que ce que vous laissez échapper aujourd'hui, vous ne pourrez le retrouver demain? Voulez-vous aller bavarder avec votre femme de chambre ou votre garçon d'écurie, quand vous pouvez vous entretenir avec des rois et des reines? Ou vous flattez-vous de garder quelque dignité et conscience de vos propres droits au respect, quand vous jouez des coudes avec la foule affairée et vulgaire, ici pour une entrée et là pour une audience, quand, pendant tout ce temps-là, cette cour éternelle vous est ouverte, où vous trouveriez une compagnie vaste comme le monde, nombreuse comme ses jours, la puissante, la choisie, de tous les lieux et de tous les temps. Dans celle-là, vous pouvez toujours pénétrer. Vous y choisirez vos amitiés, votre place, selon qu'il vous plaira. De celle-là, une fois que vous y avez pénétré, vous ne pouvez jamais être rejeté que par votre propre faute. Là, par la noblesse de vos fréquentations, sera mise à une épreuve certaine votre noblesse véritable. Et les motifs qui vous poussent à lutter pour prendre une place élevée dans la société des vivants verront toute la vérité et la sincérité qui est en eux mesurée par la place que vous désirez occuper dans la société des morts. 12. La place que vous désirez et la place dont vous vous êtes rendu digne, dois-je aussi dire, parce que, remarquez, cette cour diffère de toute l'aristocratie vivante en ceci, elle est ouverte au travail et au mérite, mais à rien d'autre. Aucune richesse ne corrompra, aucun nom n'intimidera, aucun artifice ne trompera le gardien de ces portes élyséennes. Au sens profond du mot, aucune personne vile ou vulgaire n'entre là. Aux portes cochères de ce silencieux faubourg Saint-Germain, on ne vous pose qu'un bref interrogatoire. Méritez-vous d'entrer? Passez. Demandez-vous la compagnie des nobles. Faites-vous noble vous-même, et vous le serez. Désirez-vous ardemment la conversation des sages? Apprenez à la comprendre et vous l'entendrez. Mais à d'autres conditions? Non. Si vous ne voulez vous élever jusqu'à nous, nous ne pouvons nous courber jusqu'à vous. Le lord vivant peut affecter la courtoisie, le philosophe vivant peut par bienveillance s'efforcer de vous traduire sa pensée, mais ici nous ne feignons ni n'interprétons. Il faut vous élever au niveau de nos pensées si vous voulez être réjoui par elles et partager nos sentiments si vous voulez percevoir notre présence. 13. Ceci, donc, est ce que vous avez à faire, et j'admets que c'est beaucoup. Vous devez, en un mot, aimer ces gens pour pouvoir vous trouver au milieu d'eux. L'ambition ne serait d'aucun usage. Ils méprisent votre ambition. Il faut que vous les aimiez et montriez votre amour des deux manières suivantes. Premièrement, d'abord par un désir sincère d'être instruit par eux et d'entrer dans leurs pensées, d'entrer dans les leurs, remarquez, non de retrouver les vôtres exprimés par eux. Si celui qui écrivit le livre n'est pas plus sage que vous, vous n'avez pas besoin de le lire. S'il l'est, il pensera autrement que vous, à bien des égards. Deuxièmement, nous sommes très prêts à dire d'un livre « comme ceci est bien, c'est exactement ce que je pense ». Mais le sentiment juste est « comme ceci est étrange, je n'avais jamais songé à cela avant, et cependant je vois que c'est vrai ». Ou, si je ne le vois pas maintenant, j'espère que je le verrai quelque jour. Mais que ce soit avec cette soumission ou non, du moins soyez sûr que vous allez à l'auteur pour atteindre sa pensée, non pour trouver la vôtre. Jugez-la ensuite, si vous vous croyez qualifié pour cela, mais comprenez-la d'abord. Et soyez sûr aussi, si l'auteur a une valeur quelconque, que vous n'arriverez pas d'un seul coup à sa pensée. Bien plus qu'à sa pensée entière, vous n'arriverez d'aucune façon avant bien longtemps. Non qu'il ne dise ce qu'il veut dire, et aussi qu'il ne le dise fortement. Mais cette pensée, il ne peut pas la dire tout entière, et ce qui est plus étrange, il ne le veut pas, mais d'une manière cachée par parabole, de façon qu'il puisse savoir que vous avez besoin d'elle. Je ne puis découvrir entièrement la raison de ceci, ni analyser cette cruelle réticence qui est au cœur des sages et leur fait toujours cacher leurs pensées les plus profondes. Ils ne vous la donnent pas en manière d'aide, mais de récompense. Ils veulent s'assurer que vous la méritez avant qu'ils vous permettent de l'atteindre. Mais il en va de même avec le symbole matériel de la sagesse, l'or. nous ne voyons pas, vous et moi, de raison qui s'opposerait à ce que les forces électriques de la Terre portassent ce qui existe d'or dans son sein, tout à la fois, jusqu'au sommet des montagnes, afin que les rois et les peuples puissent savoir que tout l'or qu'ils pourraient trouver est là, et sans la peine de creuser, sans risque ou perte de temps, puissent l'enlever et en monnayer autant qu'ils en ont besoin. Mais la nature n'agit pas ainsi. Elle le met sous terre, dans de petites fissures, nul ne sait où. Vous pouvez creuser longtemps et n'en pas trouver. Il vous faut creuser péniblement pour en trouver. 14. Et il en est exactement de même de la meilleure des sagesses des hommes. Quand vous arrivez à un bon livre, vous devez vous demander « Suis-je disposé à travailler comme le ferait un mineur australien ? Mes pioches et mes pelles sont-elles en bon état ? Et suis-je moi-même dans la tenue voulue, mes manches bien relevées jusqu'à l'épaule ? Ai-je bonne respiration et bonne humeur ?» Et, prolongeant un peu la figure, au risque d'ennuyer, car c'en est une extrêmement utile, le métal à la recherche duquel vous vous êtes mis étant la pensée de l'auteur ou son intention, ces mots sont comme le rocher que vous avez à écraser et à fondre avant d'y atteindre. Et vos pioches sont votre propre pensée, votre intelligence et votre savoir, votre haut fourneau et votre propre âme pensante. N'espérez pas arriver à la pensée d'aucun bon auteur sans ces instruments et ce feu. Souvent, vous aurez besoin du ciseau le plus tranchant et le plus fin, du travail de fusion le plus patient, avant que vous puissiez recueillir une parcelle du métal. 15. Et c'est pourquoi, avant tout, je vous dis instamment, je sais que j'ai raison en ceci, vous devez prendre l'habitude de regarder aux mots avec intensité et en vous assurant de leur signification syllabe par syllabe, plus lettre par lettre, car, bien que ce soit seulement pour indiquer que ce sont les lettres qui remplissent les fonctions de signes au lieu des sons, que l'étude des livres est appelée littérature et qu'un homme qui y est versé est appelé d'un commun accord par toutes les nations un homme de lettres au lieu d'un homme de livres ou de mots, vous pouvez toutefois relier à cette dénomination toute contingente cette vérité, que vous pourriez lire tous les livres du British Museum, si vous viviez assez longtemps pour cela, et rester une personne complètement illettrée, un ignorant. Mais que si vous lisez 10 pages d'un bon livre, lettre par lettre, c'est-à-dire avec une justesse réelle, vous êtes à tout jamais, dans une certaine mesure, une personne instruite. Toute la différence qui existe entre l'éducation et la non-éducation, en ne s'occupant que de la partie purement intellectuelle, consiste dans cette exactitude. Un gentleman instruit peut ne pas connaître un grand nombre de langues, peut ne pas être capable d'en parler une autre que la sienne, peut avoir lu très peu de livres. Mais quelque langue qu'il sache, il la sait d'une manière précise. Quel que soit le mot qu'il prononce, il le prononce correctement. Par-dessus tout, il est versé dans l'armorial des mots. Distingue d'un coup d'œil les mots de bonne lignée et de vieux sang, des mots canailles modernes. Il a dans la tête les noms de leurs ancêtres, quels mariages ils ont contractés entre eux, leurs parentés éloignés, dans quelle mesure ils sont reçus et les fonctions qu'ils ont remplies parmi la noblesse nationale des mots en tout temps et en tout pays. Mais une personne illettrée peut savoir, grâce à sa mémoire, beaucoup de langues et les parler toutes, et cependant ne pas savoir en réalité un seul mot d'aucune, un mot même de la sienne. Un marin suffisamment habile et intelligent sera capable de gagner la plupart des ports. Toutefois, il n'aurait qu'à prononcer une phrase de n'importe quelle langue pour qu'on reconnaisse en lui un homme illettré. De même, l'accent, le tour d'expression dans une seule phrase, distingue tout de suite un savant. Et ceci est senti si fortement, admis d'une manière si absolue par les personnes instruites, qu'il suffit d'un faux accent ou d'une syllabe erronée dans le parlement de toutes les nations civilisées pour assigner pour toujours à un homme un rang d'une certaine infériorité. 16. Et ceci est juste, mais c'est dommage que l'exactitude sur laquelle on insiste ne soit pas plus importante et requise pour un but plus sérieux. Il est bien qu'une fausse mesure latine excite un sourire à la Chambre des communes, mais il est mal qu'une fausse acception anglaise n'excite pas un froncement de sourcils. Veillez à l'accent des mots, et de près. Veillez de plus près encore à leur signification, et un plus petit nombre fera le travail. Quelques mots bien choisis et avec discernement feront le travail qu'un millier ne peut faire quand chacun dans un emploi équivoque fait fonction d'un autre. Oui, et les mots, s'ils ne sont surveillés, feront quelquefois une besogne mortelle. Il y a des mots masqués, bourdonnant et rôdant en ce moment autour de nous en Europe. Il n'y en a jamais eu tant, grâce à l'expansion d'une information superficielle, malpropre, brouillonne, infectieuse, ou plutôt d'une déformation, s'étendant à tout, grâce à ce qu'on apprend dans les écoles des leçons de catéchisme et des mots au lieu de pensées humaines. Il y a, dis-je, ça et là, tout autour de nous, des mots masqués, que personne ne comprend, mais que chacun emploie. Bien plus, la plupart des gens sont prêts à se battre pour eux, vivront pour eux, ou même mourront pour eux, s'imaginant qu'ils signifient telle ou telle, ou encore telle autre, des choses qui leur sont chères, car de tels mots portent des manteaux de caméléon, des manteaux de lion du sol, de la couleur qu'a chez tous les hommes le sol même de leur imagination. Ils s'embusquent sur ce sol, et d'un bond déchirent leur homme. Il n'y eut jamais créature de proie si malfaisante, ni diplomate si rusé, ni empoisonneur si mortel, que ces mots masqués. Ils sont les injustes intendants des idées de tous les hommes. Quelque fantaisie ou instinct favori que choisisse un homme, il le donne à son mot masqué préféré pour en prendre soin. Le mot, à la fin, arrive à prendre sur lui un pouvoir infini. Vous ne pouvez arriver à lui sans avoir recours à son ministère. 17. Et dans des langues aussi mêlées dans leur origine que l'anglais, il y a une fatale puissance d'équivoque mise entre les mains des hommes, qu'ils le veuillent ou non, par le fait qu'ils ont licence d'employer des mots grecs ou latins pour une idée quand ils veulent la rendre imposante, et des mots saxons ou des mots communs d'une autre dérivation quand ils veulent qu'elle soit vulgaire. Quel effet singulier et salutaire, par exemple, nous produirions sur les esprits de gens qui ont l'habitude de prendre la forme du mot duquel ils vivent pour la vertu cachée qu'il exprime, si nous gardions ou rejetions, une fois pour toutes, la forme grecque « biblos » ou « biblion » comme l'expression juste pour « livre », au lieu de l'employer seulement dans le cas particulier où nous désirons donner de la dignité à l'idée et de la traduire en anglais partout ailleurs. Combien il serait salutaire pour bien des hommes simples si, dans les passages, pour prendre un exemple, comme acte 19, nous conservions l'expression grecque au lieu de la traduire, et si elles avaient à lire, beaucoup de ceux aussi qui exerçaient des arts étranges réunirent leurs bibles et les brûlèrent devant tout le monde. Ils en comptèrent le prix et le trouvèrent de 50 000 pièces d'argent. Ou bien, au contraire, si nous la traduisions là où nous avons l'habitude de la conserver, et si nous parlions du Saint-Livre au lieu de la Sainte-Bible. Il pourrait entrer dans un plus grand nombre de têtes qu'aujourd'hui que la parole de Dieu, par laquelle les cieux furent créés jadis et par laquelle ils sont maintenant tenus en réserve, ne peut pas être donnée comme présent à tout le monde dans une reliure de maroquin, ni semée sur toutes les routes à l'aide de la charrue à vapeur ou de la presse à vapeur, mais est néanmoins offerte à nous journellement et par nous refusée par mépris, et semée en nous journellement est par nous aussi immédiatement que possible étouffée. 18. Et de même, considérez quel effet a été produit sur l'esprit du peuple en Angleterre par l'habitude d'user de l'éclat bruyant de la forme latine « damno » pour traduire le grec « toutes les fois que charitablement on désire lui donner toute sa violence » et d'y substituer le modéré « condamné » quand on préfère lui garder quelque douceur. Et quels remarquables sermons ont été prêchés par des clergymen illettrés sur « celui qui croit ne sera pas damné », lesquels auraient reculé d'horreur à traduire « Eb 11, 7, le salut de sa maison par lequel il damna le monde » ou « Jean 8, 10, 11, femme, est-ce qu'aucun homme ne t'a damné ?» Elle dit « Aucun homme, Seigneur ». Jésus lui répondit « Moi non plus, je ne te damne pas. Va et ne pêche plus. » Et si des schismes ont divisé l'esprit de l'Europe, qui ont coûté des mers de sang, et dans la défense desquelles les plus nobles âmes des hommes ont été réduites à néant dans un désespoir frénétique, et jetées innombrables comme les feuilles des forêts, ces schismes, quoique en réalité fondés sur des causes plus profondes, ont été néanmoins rendus pratiquement possibles, surtout par l'adoption en Europe du mot grec, qui signifie une réunion publique, ecclésia, pour donner quelque chose de particulièrement respectable à de telles réunions, toutes les fois qu'elles étaient tenues dans des buts religieux. Et d'autres équivoques collatérales, tels que l'habituel équivoque anglaise qui consiste à employer le mot « priest » comme contraction de « presbytère ». 19. Maintenant, de façon à vous comporter correctement vis-à-vis des mots, voici l'habitude que vous devez prendre. À peu près chaque mot de votre langue a été d'abord un mot d'une autre langue, saxon, allemand, français, latin ou grec, pour ne pas parler des dialectes orientaux et primitifs. Et beaucoup de mots ont été tout cela, c'est-à-dire ont été d'abord grecs, puis latins, français ou allemands ensuite, et anglais enfin, subissant un certain changement de sens et d'usage sur les lèvres de chaque nation, mais conservant une même signification vitale profonde, que tous les bons lettrés sentent encore aujourd'hui quand ils l'emploient. Si vous ne savez pas l'alphabet grec, apprenez-le, jeune ou vieux, fille ou garçon, qui que vous puissiez être. Si vous avez l'intention de lire sérieusement, ce qui naturellement implique que vous ayez quelques loisirs à votre disposition, apprenez votre alphabet grec. Ayez ensuite de bons dictionnaires de toutes ces langues. Et si jamais vous avez des doutes sur un mot, allez à sa recherche avec une patience de chasseur. Lisez à fond les cours de Max Müller pour commencer. Et après cela, ne laissez jamais échapper un mot qui vous semble suspect. C'est un travail sévère, mais vous le trouverez même au commencement intéressant et à la fin inépuisablement amusant. Et ce que votre esprit gagnera en fin de compte, en force et en précision, sera tout à fait incalculable. Notez que ceci n'implique pas la connaissance ou seulement l'essai de connaître le grec, le latin ou le français. Il faut toute une vie pour apprendre à fond une langue. Mais vous pouvez facilement connaître les sens par lesquels un mot anglais a passé, et ce qu'il doit encore avoir dans les ouvrages d'un bon écrivain. 20. Et maintenant, simplement pour l'amour de l'exemple, je veux, avec votre permission, lire avec vous quelques lignes d'un vrai livre, soigneusement, et voir ce que nous pourrons en tirer. Je prendrai un livre connu de vous tous. Rien, en anglais, ne nous est plus familier, mais très peu de choses, peut-être, ont été lues avec moins d'attention sincère. Je prendrai les quelques vers suivants de Lycidas. Le dernier vint et le dernier partit, le pilote du lac galiléen. Il portait deux clés massives, chacune d'un métal différent. L'une d'or ouvre, l'autre d'airain ferme solidement. Il secoua sa chevelure mitrée et parla sévèrement ainsi. « Avec quel plaisir, jeune rustre, j'aurais pris à ta place tant de ceux qui, pour grossir leur ventre, se glissent et se faufilent et grimpent dans le troupeau. D'autres soucis, ils ne se mettent guère sans peine que de savoir comment se pousser jusqu'au festin des tondeurs de brebis et en écarter le digne, le véritable invité. Aveugles bouches, à peine si eux-mêmes savent comment tenir une houlette ou ont appris quelque chose d'autre, si peu que ce soit, qui ressortisse à l'art du pasteur fidèle. Que leur importe ? De qui ont-ils besoin ? Ils font leur chemin, et à leur gré, leurs champs minces et vains grincent contre la triste paille de leurs grêles pipeaux. Les brebis affamées tournent les yeux vers eux et ne sont pas nourries. Mais, enflées de vent et des brouillards pestilentiels qu'elles respirent, elles se corrompent intérieurement et répandent des émanations impures et contagieuses, outre celles que l'horrible loup à la patte sournoise chaque jour dévore avidement, sans qu'aucun compte en soit rendu. Réfléchissons un peu sur ce passage. Examinons-le, mot à mot. Premièrement, n'est-il pas singulier de voir Milton assigner à Saint-Pierre non seulement sa pleine fonction épiscopale, mais précisément ceux de ses insignes que les protestants lui refusent d'ordinaire le plus passionnément, sa chevelure mitrée. Milton n'était pas un ami des évêques. Comment Saint-Pierre arrive-t-il à être mitré ? Il porte deux clés massives. Ce dont il est question ici, est-ce donc le privilège revendiqué par les évêques de Rome ? Et est-il reconnu ici par Milton seulement par licence poétique, à cause de son pittoresque, afin qu'il puisse avoir l'éclat des clés d'or pour ajouter à l'effet ? Ne croyez pas cela. Les grands hommes ne jouent pas de tour de tréteau avec les doctrines de la vie et de la mort. Il n'y a que de petits hommes qui fassent cela. Milton veut dire ce qu'il dit, et le veut dire avec sa puissance. Aussi, il va mettre toute la force de son esprit à l'exprimer, car quoiqu'il ne fût pas un ami des faux évêques, il fut un ami des vrais. Et le pilote du lac est ici, dans sa pensée, le type et le chef du vrai pouvoir épiscopal. Car Milton lit ce texte « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », tout à fait honnêtement. Quoi qu'il soit puritain, il ne voudrait pas l'effacer du livre parce qu'il y eut de mauvais évêques. Bien plus, si nous voulons le comprendre, nous devons comprendre ce vers tout d'abord. Il ne sera pas convenable de le regarder de travers ou de le marmotter entre nos dents, comme s'il était l'arme d'une secte ennemie. C'est une assertion solennelle, universelle, qui doit être gravée profondément dans l'esprit de toutes les sectes. Mais peut-être serons-nous plus aptes à en raisonner si nous allons un peu plus loin, et y revenons ensuite. Car certainement, cette insistance marquée sur le pouvoir du véritable épiscopat a pour but de nous faire sentir, avec plus de force, ce qu'il y a à reprocher à ceux qui prétendent, sans y avoir des droits, à l'épiscopat, ou d'une manière générale, à ceux qui prétendent sans y avoir de droits à un pouvoir et à un rang dans le corps du clergé. Tous ceux qui, pour l'amour de leur ventre, rampent, se faufilent et grimpent dans le troupeau. 21. N'ayez jamais la pensée que Milton emploie ces trois mots pour remplir son vers, comme le ferait un mauvais écrivain. Il a besoin de tous les trois, de ces trois-là en particulier, et de pas un de plus que cela, ramper et se faufiler et grimper. Aucun autre mot ne pourrait faire l'office de cela, aucun ne pourrait leur être ajouté, car ils contiennent et ils épuisent les trois catégories correspondant au caractère d'homme qui recherche malhonnêtement le pouvoir ecclésiastique. Premièrement, ceux qui s'insinuent en rampant dans le troupeau, ceux qui ne se soucient ni de la fonction ni du titre, mais de l'influence secrète et font toutes choses d'une manière occulte et astucieuse, se pliant à toute servilité de besogne ou de conduite, de manière seulement qu'ils puissent voir jusqu'au fond, sans être vus, et diriger les esprits des hommes. Puis ceux qui s'introduisent, c'est-à-dire se jettent dans le troupeau, qui, par une naturelle insolence du cœur et une vigoureuse éloquence de la langue, et une persévérante et intrépide confiance en eux-mêmes, gagnent l'oreille de la foule et l'ascendant sur elle. Enfin, ceux qui grimpent, qui, par leur travail et leur science, qui tous deux peuvent être puissants et saints, mais qui sont mis égoïstement au service de leur ambition personnelle, obtiennent d'autres dignités, une grande influence, et deviennent des maîtres de l'héritage, sans être des exemples pour le troupeau. 22. Maintenant, continuez. D'autres soucis, ils ne se mettent pas en peine que de savoir comment se pousser jusqu'au festin des tondeurs de brebis. Aveugle bouche. Je m'arrête de nouveau, car ceci est une étrange expression. La métaphore, ensuite, pourrait-on croire, d'un auteur négligent et illettré. Il n'en est pas ainsi. Son audace même et sa vigueur ont pour but de nous faire regarder de près à la phrase et de nous en faire souvenir. Ces deux monosyllabes expriment les deux contraires exactement du vrai caractère des deux grandes fonctions de l'Église, celle d'évêque et de pasteur. Un évêque signifie une personne qui voit, un pasteur signifie une personne qui nourrit. Le caractère le plus inépiscopal qu'un homme puisse avoir est par conséquent d'être aveugle. Le plus impastoral est, au lieu de nourrir, d'avoir besoin d'être nourri, d'être une bouche. Mettez les contraires ensemble et vous avez aveugle bouche. Nous pourrons trouver quelque utilité à poursuivre un peu cette idée. À peu près tous les mots sont venus à l'Église d'évêques qui désiraient le pouvoir, plus que la lumière. Ils souhaitent l'autorité, non la vigilance, tandis que leur fonction réelle n'est pas de gouverner. Elle peut être d'exhorter et de réprimander vigoureusement, mais c'est la fonction du roi de gouverner. La fonction de l'évêque est de surveiller son troupeau, de le numéroter brebis par brebis, d'être toujours prêt à rendre un compte complet. Maintenant, il est clair qu'il ne peut pas donner un compte des âmes autant qu'il n'a pas numéroté les corps. La première chose donc qu'un évêque ait à faire est au moins de se placer dans une situation où à n'importe quel moment il puisse obtenir l'histoire, depuis l'enfance, de chaque âme vivant dans son diocèse et de sa situation présente. Là-bas, Tout au fond de cette petite rue, Bill et Nancy se cassent les dents mutuellement. L'évêque sait-il tout là-dessus? A-t-il l'œil sur eux? A-t-il eu l'œil sur eux? Peut-il, en détail, nous expliquer comment Bill a pris l'habitude de frapper Nancy sur la tête? S'il ne le peut pas, il n'est pas un évêque. Eût-il une mitre aussi haute que le clocher de Salisbury? Il n'est pas un évêque. Il a cherché à être à la barre, au lieu d'être à la une. Il n'a pas la vue des choses. Mais non, dites-vous, ce n'est pas son devoir de veiller sur Bill dans la rue. Quoi, les grosses brebis qui ont de riches toisons, vous pensez que c'est seulement après celles-là qu'il doit regarder? Tandis que, retournez à votre Milton, les brebis affamées tournent les yeux vers eux et ne sont pas nourries. Outre que l'horrible loup à la patte sournoise, l'évêque ne sachant rien de cela, chaque jour dévore avidement sans qu'aucun compte en soit rendu. Mais ceci n'est pas notre conception d'un évêque. Peut-être que non, mais c'était celle de saint Paul, et c'était celle de Milton. Ils peuvent avoir raison, ou il se peut que ce soit nous, mais nous ne devons pas espérer pouvoir lire l'un ou l'autre en mettant notre pensée sous leurs mots. 23. Je continue. Mais enflée de vent et des brouillards pestilentiels qu'elle respire. Ceci répond au lieu commun. Si les pauvres ne sont pas surveillés dans leur corps, ils le sont dans leurs âmes. Ils ont la nourriture spirituelle. Et Milton dit, ils n'ont rien qui ressemble à la nourriture spirituelle. Ils sont seulement enflés de vent. Tout d'abord, vous pouvez croire que ceci est un symbole grossier et obscur. Mais je le répète, c'en est un tout à fait exact et littéral. Prenez vos dictionnaires grecs et latins et trouvez le sens de spirit. Ce n'est qu'une contraction du mot latin souffle et une traduction vague du mot grec qui veut dire vent. C'est le même mot qui est employé dans le texte. Le vent souffle où il lui plaît. Et dans cet autre, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit, ce qui signifie né du souffle, c'est-à-dire du souffle de Dieu. Ah, mes corps! Nous en avons le vrai sens dans nos mots « inspiration » et « expirer ». Maintenant, il y a deux sortes de souffles dont le troupeau peut être rempli, le souffle de Dieu et celui de l'homme. Le souffle de Dieu est la santé et la vie et la paix pour les troupeaux, comme l'air du ciel aux troupeaux sur les collines. Mais le souffle de l'homme, le mot que lui appelle spirituel, est la maladie et la contagion pour eux, comme le brouillard du marais. Ils en sont corrompus intérieurement. Ils en sont bouffis comme un cadavre l'est par les miasmes de sa propre décomposition. Ceci est littéralement vrai de tout faux enseignement religieux. Le premier et le dernier et le plus fatal indice en est cette bouffissure. Vos enfants convertis qui enseignent leurs parents, vos forçats convertis qui enseignent les honnêtes gens, vos sots convertis qui, ayant vécu la moitié de leur vie dans une stupéfaction crétine et s'éveillant tout à coup au fait qu'il y a un Dieu, s'imaginent en conséquence être son peuple spécial et son messager. Vos sectes de toute espèce, petites et grandes, catholiques et protestantes, d'églises hautes ou basses, autant qu'elles se croient seules dans le vrai et les autres dans le faux. Et avant tout, dans chaque secte, ceux qui tiennent que l'homme peut être sauvé en pensant bien au lieu d'agir bien, par la parole au lieu de l'acte, et par la foi au lieu des œuvres, ceux-là sont les vrais enfants du brouillard, des nuages, ceux-là sans eau, des corps, ceux-là, de vapeur putrescente et de peau, n'ayant ni sang ni chair, des cornemuses gonflées pour être cornées par les démons, corrompues et corruptrices, gonflées de vent et des brouillards pestilentiels qu'elles respirent. 24. Enfin, revenons aux lignes relatives au droit de porter les clés, car maintenant nous pouvons les comprendre. Remarquez la différence entre Milton et Dante dans leur interprétation de ce droit. Pour une fois, c'est chez ce dernier que la pensée est la plus faible. Il suppose que les deux clés sont celles de la porte du ciel. L'une est d'or, l'autre d'argent. Elles sont données par saint Pierre à l'ange sentinelle et il n'est pas facile de déterminer ce que symbolisent les différentes substances des trois marches de la porte, ni des deux clés. Mais Milton fait de l'une, celle d'or, la clé du ciel, l'autre de fer, et la clé de la prison, dans laquelle les maîtres malfaisants devront être enchaînés, qui ont emporté la clé du savoir et cependant n'y sont pas entrés eux-mêmes. Nous avons vu que les devoirs de l'évêque et du pasteur sont de voir et de nourrir. Et de tous ceux qui font ainsi, il est dit, celui qui arrose sera arrosé aussi lui-même. Mais l'inverse est vrai aussi. Celui qui n'arrose pas sera lui-même desséché. Et celui qui ne voit sera lui-même privé de la lumière, enfermé dans une prison perpétuelle. Et cette prison vous reçoit ici-bas aussi bien que dans la vie à venir. Celui qui devra être au ciel chargé de chaînes le sera d'abord sur la terre. Cet ordre aux anges forts, dont l'apôtre Pierre est l'image, prenez-le, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors, est en réalité donné contre le maître, pour chaque appui non accordé, pour chaque vérité refusée, pour chaque mensonge inculqué. De sorte que plus il enchaîne, plus il est étroitement enchaîné et rejeté d'autant plus loin qu'il les garde davantage, jusqu'à ce que, à la fin, les barreaux de la cage de fer se referment sur lui et comme celle d'or s'ouvre, celle de fer se referme. 25. Nous avons retiré quelque chose de ces lignes, je crois, et il y a beaucoup plus à y trouver, mais nous nous sommes suffisamment livrés, pour en donner un exemple, à la sorte d'examen mot à mot d'un auteur qui se nomme, à juste titre, lecture, attentif à chaque nuance et expression, et nous mettant toujours à la place de l'auteur, annihilant notre propre personnalité et cherchant à entrer dans la sienne, de façon à pouvoir dire avec certitude « ainsi pensait Milton », non « ainsi pensais-je en lisant mal Milton ». Et en suivant cette méthode, vous arriverez graduellement à attacher moins de valeur dans d'autres occasions à votre propre « je pensais ainsi ». Vous commencerez à vous apercevoir que ce que vous pensiez était une chose de peu d'importance, que vos pensées sur n'importe quel sujet ne sont peut-être pas les plus claires et les plus sages auxquelles on puisse arriver là-dessus. En fait, que, à moins que vous ne soyez une personne remarquable, on ne peut pas dire que vous ayez de pensées du tout, que vous n'ayez pas de matériaux pour cela en aucun sujet important, ni de raison de penser, mais seulement d'essayer d'apprendre davantage. Bien plus, il est probable que de toute votre vie, à moins, comme je l'ai dit, que vous ne soyez une personne remarquable, vous n'aurez le droit d'avoir d'opinion sur quoi que ce soit, excepté sur ce qui est immédiatement à votre portée. Ce qui doit de toute nécessité être fait, il n'est pas de doute que vous pouvez toujours décider comment le faire. Avez-vous une maison à tenir en ordre, une marchandise à vendre, un champ à labourer, un fossé à curer ? Il n'y a pas besoin d'avoir deux opinions sur la manière de faire cela, et ce sera à vos risques et périls si vous n'avez rien de plus qu'une opinion sur la manière de procéder dans ces cas-là. Et de même, en dehors de vos propres affaires, il y a un ou deux sujets sur lesquels vous êtes tenu de n'avoir qu'une opinion, que la friponnerie et le mensonge sont coupables et doivent être sur le champ chassés à coups de fouet toutes les fois qu'ils sont découverts, que la convoitise et l'amour de se quereller sont des dispositions dangereuses même chez les enfants et des dispositions mortelles chez les hommes et les nations, que, en fin de compte, le Dieu du ciel et de la terre aime les gens actifs, modestes et bons, et déteste les paresseux, les querelleurs, les orgueilleux, les avares et les cruels. Sur ces faits généraux, vous êtes tenu de n'avoir qu'une opinion, et celle-là très forte. Pour le reste, concernant religion, gouvernement, science, art, vous trouverez en général que vous ne pouvez savoir rien, rien juger. Que le mieux que vous puissiez faire, quand même vous seriez une personne instruite, est de garder le silence, de vous efforcer d'être plus éclairé chaque jour, de comprendre un petit peu plus des pensées des autres, et dès que vous essayerez de le faire honnêtement, vous découvrirez que les pensées, même des plus sages, ne sont guère plus que des questions bien posées. Mettre un point difficile en lumière et vous exposer les raisons qu'il y a de ne pas avoir d'opinion, c'est tout ce que généralement ils peuvent faire pour vous. Et tant mieux pour eux et pour nous, si en fait ils sont capables de mêler de la musique à nos pensées et de nous attrister de doutes célestes. L'auteur dont je vous ai lu un passage n'est pas parmi les plus grands ou les plus sages. il voit clairement aussi loin qu'il voit, et par conséquent, il est facile de découvrir tout ce qu'il veut dire. Mais avec de plus grands hommes, vous ne pouvez pas aller au fond de leur pensée. Ils ne la mesurent pas complètement eux-mêmes. Elle est si vaste. Supposez que je vous ai demandé, par exemple, de chercher quelle est la pensée de Shakespeare au lieu de celle de Milton, sur cette question de l'autorité de l'Église, ou celle de Dante. Est-ce qu'aucun de vous, en ce moment, a la moindre idée de ce que l'un ou l'autre pensait là-dessus ? Avez-vous jamais mis en regard la scène des évêques dans Richard III et le caractère de Cranmer ? Le portrait de saint François et de saint Dominique est le portrait de celui que Virgile contemplait avec étonnement, Distesso, tanto vil mente, nel eterno exilio, ou de celui auprès duquel se tenait Dante, come i frate, che confessa lo perfido assassin. Shakespeare et Ali Guéry connaissaient les hommes mieux que la plupart de nous, je présume. Ils vécurent tous deux au plus fort de la lutte entre les pouvoirs temporels et spirituels. Ils avaient une opinion là-dessus, nous pouvons le penser. Mais où se trouve-t-elle ? Produisez-la devant la cour. Énoncez sous forme de proposition la croyance de Shakespeare ou de Dante et envoyez-la juger près les cours ecclésiastiques.